Sera sans nous, même si le monde entier s'écroule autour de nous, il en restera toujours assez pour les fous. Ma génération, sauvage, fait l'amour en trop, sauvage. Ma génération, sauvage, fait l'amour en trop, sauvage. Ma génération, sauvage, fait l'amour en trop, sauvage. Ma génération, sauvage, fait l'amour en trop, sauvage. Si soleil, si pendant jour fait jour clairé, même si la ligne ou ma ligne n'est pas décidée, papa caille nous kenisset pour les larmes en ciel. C'est ça qu'a fait jour n'est moins ouvert, c'est vous seul. Manquez pas l'amour, si vous tous les jours, si vous tous les jours, manquez pas l'amour, passez ça qui doux. Sacar.